on va terminer l'émission avec une petite revue de presse qu'on a concoctée assez rapidement, donc ce matin, hier soir. Et on ne peut pas passer la journée sans parler du décès d'Albert Jacquard, donc ce grand biologiste qui vient de mourir, François. Oui, en fait, comme tu disais, il serait difficile de ne pas parler d'Albert Jacquard qui est décédé d'une forme de leucémie hier à son domicile parisien à l'âge de 87 ans. Alors, né à Lyon le 23 décembre 1925, Albert Jacquard était un chercheur et essayiste français. Spécialiste de la génétique des populations, il a été directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques en France, un établissement public français spécialisé dans la recherche en démographie et les études de population en général. Il a également été membre du Comité consultatif national d'éthique pour la science de la vie et de la santé, qui est un organisme de réflexion éthique, scientifique et philosophique français ayant uniquement un rôle consultatif. Et puis, il a aussi eu quand même une scolarité, une carrière remarquable après. Oui, en 1943, Albert Jacquard obtient deux baccalauréats, l'un en mathématiques et l'autre en philosophie. C'est assez surprenant parce que c'est quand même deux disciplines qui ne sont pas vraiment proches. Effectivement. Et puisque c'est un élève très brillant, ben, il entre en 1945 à l'école polytechnique pour devenir ingénieur et fut également diplômé à l'Institut de statistique. À la fin des années 60, il étudie la génétique des populations à l'Université de Stanford en Californie et revient à l'Institut national d'études démographiques en France pour y obtenir deux doctorats en génétique et en biologie humaine. Deux doctorats. Ouais, c'est, après c'est hors du commun. Oui. Et bon, président d'honneur de l'association Droit au logement, il est aussi membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de paix et de la non-violence. Il anime durant 9 ans, de septembre 2001 à juillet 2010, une chronique radiophonique quotidienne sur France Culture. Mm-hmm. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique et il a été rendu célèbre en 1978 avec la parution de L'éloge de la différence, ah, un oui. livre manifeste c'est contre vrai. Les inégalités qui n'a cessé de combattre jusqu'à sa mort. Alors, c'était un grand conférencier. Il était aussi très recherché pour son discours humaniste. Alors, le scientifique est reconnu pour être un des plus grands penseurs du 20e siècle. Alors, il est également connu pour ses engagements citoyens, parmi lesquels la défense du concept de la décroissance soutenable, le soutien au mouvement du logiciel libre et à la langue internationale, l'espéranto. Alors, il militait aussi pour le droit de mourir dans la dignité, les droits des immigrants et l'abolition du nucléaire. Pour terminer, il rappelait que les humains sont tous différents du point de vue génétique, mais appartiennent tous à la même espèce, c'est-à-dire l'humanité, une idée qui est au cœur de sa pensée et de sa réflexion scientifique. Oui, puis de tous ces actions à caractère humanitaire, et effectivement. Tourner merci autour beaucoup, de ça. François, pour ce rappel de ce que fut ce grand monsieur. Effectivement. Alors, toi, de ton côté, Valérie, tu vas nous parler de technologie pour rajeunir un lac. Oui, ce sont des travaux qui ont été réalisés par des chercheurs de l'Université de Laval sur un lac pas très loin de chez nous. En fait, c'est le lac de Saint-Augustin. Mm-hmm. Alors, on le sait, le lac est sujet aux algues bleu-vert. Ces efflorescences d'algues bleu-vert sont déclenchées, entre autres, durant la période estivale, sont déclenchées, entre autres, par les phosphates qui viennent des effluents urbains ou des terres agricoles. Et ces phosphates, c'est un surplus de nutriments qui va profiter aux algues bleu-vert. Elles vont se mettre à proliférer. Ça profite aussi à d'autres plantes, les plantes aquatiques en général. Mais évidemment, quand il y a beaucoup à manger, les plantes prolifèrent. Ouais. Alors, à court terme, on peut penser que cette prolifération de plantes qui pousse bien, c'est pas un problème. Sauf que le problème vient que ces plantes ne sont pas les seules à en profiter. Il y a aussi des bactéries, et surtout des bactéries qui vont consommer l'oxygène de l'eau. Et à ce moment-là, il n'y a plus assez d'oxygène dissous dans l'eau. Et s'il n'y a plus d'oxygène, comment vont respirer les poissons? Donc, à long terme, la végétation prend le dessus. Le lac vieillit et meurt. Donc, en fait, ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est ce que je viens de décrire. Ici, on n'arrête pas le processus, mais le lac va se transformer en tourbière. Oui, exactement. Mais l'eutrophisation, est-ce que ce n'est pas aussi un processus naturel dans les écosystèmes? Ben, oui, c'est ça. Donc, comme tu le dis, ça, les tourbières, ce sont c'est des milieux naturels. C'est ça. Donc, du nord. Les lacs donc, sont appelés à s'eutrophiser naturellement. Exactement. Sauf que normalement, ça prend des milliers d'années. Donc, quand on apporte du phosphate, ben, on accélère un peu beaucoup le processus. Et au lac Saint-Augustin, des chercheurs essaient d'empêcher ce ralentissement accéléré? Oui, ben ce vieillissement accéléré, on devrait dire. Donc, c'est ça. Donc, il s'agit de la chercheure Rosa Galvez-Cloutienne. Elle est professeure au département de génie civil et de génie des eaux. Et son idée, c'est de couvrir le fond du lac avec des minerais naturels carbonatés qui sont chimiquement actifs et qui agissent comme des sortes de filtres. Mm-hmm. Et en clair, ces minerais vont permettre à l'eau souterraine d'alimenter le lac, parce qu'on sait que le lac Saint-Augustin est alimenté par les eaux souterraines. Mais ces minerais vont bloquer les contaminants. Les chercheurs ont d'abord fait des essais dans des aquariums, donc dans un milieu contrôlé, un milieu fermé, pour voir un petit peu la meilleure composition des minerais et l'effet que ça pouvait avoir. C'est ça. Et ensuite, ils ont fait des essais sur le lac, toujours de façon contrôlée. Et la vie est revenue sur ces minerais. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le milieu était dépollué, puis que la vie pouvait reprendre son cours sur là où l'expérience avait lieu. Mais en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aussi corriger le problème à la source, c'est-à-dire d'empêcher carrément les phosphates d'arriver au lac? Ben oui, bonne remarque, François. Puis d'ailleurs, la chercheure y travaille aussi. Bon, c'est bien de vouloir enlever comme ça un état de pollution, mais c'est sûr que le mieux, c'est encore d'empêcher la pollution. Donc, elle a analysé le bassin versant du lac pour identifier les sources de contamination potentielles du lac. Donc, il y avait par exemple les fosses septiques qui sont maintenant mieux contrôlées. Mm-hmm. Il y avait aussi, figure-toi, un site d'enfouissement de réservoir d'essence d'un ancien petit aéroport qui était installé près du lac. Donc, ça aussi, ça a été nettoyé. Et c'est finalement toutes ces mesures donc de contrôle des sources de pollution et de restauration du lac qui on peut espérer, qui seraient une solution pour redonner vie au lac. Et on va rester sur le même thème. Avoir le temps, donc effectivement, tu avais prévu une autre actualité fort intéressante sur le rajeunissement. Donc, des chercheurs qui ont trouvé un gène qui permet de rallonger la vie des souris de 20%, donc c'est quand même pas négligeable. Mais on pourra en reparler prochaine. On va en reparler, donc on va laisser nos auditeurs dans le suspense, on pourra en reparler la semaine prochaine. Effectivement.